Vous êtes assez fou. 89.1. Et voici maintenant Génie en liberté. Et bon matin à tous, vous écoutez Génie en liberté sur les ondes de C'est fou 89.1. Et je sais pas pourquoi, ça fait deux semaines que j'ai de la misère avec mes écouteurs pour placer le son. C'est de toute beauté, je vais l'avoir. Ah, ok, voilà, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Donc, depuis qu'on a reconfiguré le micro 1, je sais pas pourquoi, tout un problème d'écouteurs en partait, mais je vais finir par l'avoir. Je me donne au moins 3-4 semaines, puis je vais être correct. Alors aujourd'hui à l'émission, évidemment, je vais parler du spectacle de la rentrée qui avait eu lieu hier soir. Ensuite, on va parler de la SAQ. Après ça, ça va être le début des grèves dans les écoles. Je vais faire un bloc d'actualité politique en rafale. Et je vais terminer avec tous les mouvements qu'il y a dans la campagne électorale fédérale. Ce matin, ma collègue Stéphanie Rompré-Lanouette est absente, donc je vais faire une partie de l'émission seule, mais juste une partie de l'émission. En début d'émission, en fait, je me suis amusé à changer de place avec l'animateur d'assemblage Ricky. En une minute de pub. Exactement. Et Tania Baudin aussi, qui est encore à la même place, en fait. Eh bien oui, moi, j'ai pas changé de place. Elle a pris son selfie de Génie en liberté. Ben oui, j'ai pris un selfie avec vous, les gars, mais vous en êtes pas rendu compte. Ben, moi, je m'en suis rendu compte. Ouais, toi, t'as ri de moi. Donc, j'ai sûrement l'air fou. Mais non. Jamais. On ne ferait pas ça, on te respecte bien trop. Oh, merci, et c'est voilà. Gentil. Oui, donc la raison de votre présence, c'est que vous étiez au spectacle hier soir, donc je voulais en discuter avec vous. Mm-hmm. Donc, premièrement, Mathieu, comment était le baseball? Ben, en fait, c'est drôle que tu m'en parles parce que pour vrai, je laisse la porte ouverte du studio à tous les matchs parce que sinon, je me sens comme enfermé pendant 3 heures dans le studio. T'sais. Même si on a une belle grande fenêtre, il n'y a pas beaucoup de monde qui se tiennent de ce bord-là. À part la madame qui fait l'entretien des terrains de l'UQTR. Qui rentre dans la cave, que je ne savais pas qu'il y avait une porte là. Ouais. Mais bref, ouais, moi aussi, j'ai appris ça. C'est ça. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas de quoi on parle, je fais la mise en onde des Aigles, le baseball à Trois-Rivières. Il faut vraiment mettre en contexte le monde. Et puis, c'est tous les soirs presque de l'été. Et puis, c'est ça, je laisse la porte ouverte et les gens passent tout le temps. Puis, des fois, il y en a qui arrêtent de me parler, ça va. Hier, tout le monde passait puis voulait savoir le score. C'est jamais arrivé de l'été, parce que de tout l'été, j'ai jamais eu à écouter le score. Mais là, je savais pas, j'ai dit, mais je sais pas, je m'en tape. Mais apparemment, c'était 2-1 pour les Aigles. Ça m'a fait rire. Apparemment. 3-4 personnes me l'ont demandé. C'est jamais arrivé avant. Dont moi. Dont toi, c'est vrai. Ouais, ben c'est bien. Je suis passée, je dis, mais tu sais combien? Là, ah, regarde, t'es sérieuse? Mais j'ai juste regardé sur sa feuille. Ah, j'ai posé la question. Mais ça datait de quand quelqu'un me l'avait demandé que j'ai écouté le score puis je l'ai écrit sur ma Exactement. Feuille. Exactement, t'avais déjà appris de ton erreur. En fluo jaune, ça. Ah oui. C'était marqué 2-0. Ouais, mais ça, c'était à la page 2. Puis là, ça, tu voilà. De page. Exactement. Faut-tu te suivre? Excusez, mais j'ai pas passé la soirée ici en studio. Et que c'est compliqué pour un match de baseball. Mais on est donc fiers quand même, il faut le dire. La ville de Trois-Rivières, les Aigles, c'est la première fois qu'ils se rendent en série. Là, on gagne quand même pas mal. 1-0 à date en série. Là. Ouais. Beaucoup de matchs qui ont été gagnés. Un petit peu plus de victoires que de défaites. Exactement. En saison régulière, là, c'est une belle performance. Là. Si tu veux faire les séries, il faut que tu gagnes plus que ça tu perds. Ça va mieux. Ouais, d'habitude. La plupart du temps, ça va mieux de même. Bon point. Ouais, à moi d'avoir vraiment les trois équipes vraiment trop dominantes que la quatrième place se batte avec des peanuts comme victoire. Là. C'est ça. Mais d'habitude, c'est pas ça qui arrive. Mm-hmm. J'ai pas vu beaucoup de cas comme ça dans le sport professionnel. C'est ma première saison de sport en général cet été. Mais il semblerait que le stade, il y avait beaucoup de monde hier aussi. Alors, c'est bon, ça fait, ouais. Ça fait jaser. 2700 quelque chose, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait du trafic sur la route, même à des heures complètement ridicules. Les gens se déplacent. Mais ouais. C'est bien, par exemple. Moi, j'ai pensé combiner le baseball et le spectacle d'hier. On aurait pu le mettre en fond. J'aurais viré les micros vers le mur parce qu'on n'est aucunement sonorisé. C'est fou, mais zéro. Là. Fait que j'aurais pu juste ouvrir le micro puis mettre en fond le spectacle. Ça n'aurait pas pris pendant le baseball. Ah, oh, ben oui. Ça aurait été bien. Ben oui. T'aurais rajouté un peu d'ambiance d'un temps mort. Ben oui, parce qu'en fait, comme on le disait dans notre émission, Matt est arrivé seulement pour comme la moitié de la deuxième partie le du colocasse. Spectacle. Ouais. Pour le colocasse. Donc, il a tout manqué la première partie. Mais en studio, il l'entendait. Parfaitement bien. Tellement qu'il fallait que je mette mes écouteurs pour entendre le baseball. Oh! Il y a trop de bruit. Bref, on parle de baseball longtemps, mais... Oui. C'est pas grave. Il y a rien là. J'en ai déjà assez de baseball. sable. Non, c'est pas vrai. Excusez. Ça va. 73 games jusqu'à 73. Maintenant. 73. Ouch. Ouais. S'ils vont en finale, projet 80. Ouais, c'est ça. Ça monte encore. Hein. Mm-hmm. Hey, on est proche d'une saison complète de la Ligue nationale de hockey. Hey, c'est ben trop de matchs, ça, non? Ça, c'est juste les matchs qu'on a diffusés à notre antenne, c'est-à-dire les matchs à Trois-Rivières et à Québec. Ouais. À l'extérieur, il y en a d'autres qui ont fait comme 96 ou genre quasiment 100 matchs à la date, les aigles. C'est beaucoup. Puis après ça, des fois, ils se plaignent que la vente des billets n'est pas assez bonne, mais c'est parce que vous connaissez beaucoup de monde qui peuvent aller à tous les matchs comme ça, quand il y en a c'est un ça. Par soir pendant 10 soirs de suite. Le mois de juillet et de août, il n'y a presque aucun jour de congé pour les aigles locaux. Là. Ouais, c'est comme 15 matchs en ligne. Avec un congé en milieu. Puis après ça, il y avait un congé, puis là, on commence les séries. 5 matchs de suite, un congé d'un jour probablement ou deux, puis après ça, un autre 5 matchs, ils vont en finale. C'est pour ça qu'il y a tant de joueurs dans une équipe de baseball, finalement. C'est que les gars, ils doivent être tellement fatigués à un certain point. Ils sont comme, moi, demain, je joue plus. C'est ça. Moi, je trouve que ça dilue ça la chose. Ça ne tente plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ben, revenons au spectacle. Ben oui. Dans ce cas-là, il y avait des vraiment écœurématiques de baseball. Ça me fait plaisir, ça. Voyons. Je veux que tu aies le goût de revenir. Oui. Ouais. À part ça, ma voix n'est pas revenue à 100%. C'est pour ça que des fois, je vais m'étouffer un peu. C'est des choses qui arrivent. Ça pas... Donc, c'est ça. Le premier groupe à avoir joué au spectacle. Donc, on parle de Galaxy. Que j'ai vraiment découvert. En fait, je connaissais une de leurs chansons qui m'accrochait pas du tout. Mm-hmm. Là, j'ai dit, OK, mais pourquoi est-ce que j'irais les voir jouer? Ben, regarde, moi, leur donner une chance en spectacle, voir ça a l'air de quoi. Ils ont quand même fait la première partie des Rolling Stones sur les plaines. Là. C'est pas n'importe quoi. Donc, je dis, regarde, je vais faire mon curieux, je vais aller voir. Ils m'ont agréablement surpris. Mm-hmm. C'est un groupe beaucoup plus rock que je pensais. C'est vrai. Des longues sections instrumentales, ça joue, ils ont une énergie sur scène. Je sais pas toi comment t'as trouvé ça. Ben en fait, on était un à côté de l'autre hier soir en écoutant Galaxy, justement. Je pense que je suis arrivée quasiment en même temps que toi. Puis moi aussi, je connaissais pas le groupe Galaxy autre que la toune qui joue dans la pub qu'on passait pour le show de la rentrée. Ouais. Alors non, moi aussi, j'ai resté agréablement surprise. Puis je suis restée surprise aussi de la différence qu'il y avait entre ce band-là et le reste des bands de la soirée. Là, comme tu le dis, c'était beaucoup plus rock. Mais dans notre émission, je le disais hier, je suis une fille qui aime vraiment beaucoup différents styles de musique. Alors je suis vraiment restée surprise. J'ai apprécié. Je vais faire quelques recherches à savoir quelles sont les autres tunes de Galaxy. Ah, il y en a plein. Si c'est plein, aussi bon, tu sais, comme tu dis, ils ont quand même fait les plaines avec les Rolling Stones. Donc, c'est pas rien. Puis, avec une foule record, faut le dire. C'est là. Ça. Les plaines n'étaient pas vides, là. Avec une foule record. Hier, malheureusement, le spectacle était tôt. D'après moi, il y avait des gens qui étaient encore en cours, des gens qui n'avaient pas terminé de souper ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour Galaxy. Par contre, tout de suite après, je pense, du moment qui a commencé à faire noir, ça s'est rempli, bondé, mais à ce moment-là, Galaxy terminait. Là, je pense qu'il restait comme une toune quand que tout le monde est arrivé au spectacle. Mmh. C'est ça, c'est peut-être la chose que je me suis dit moi aussi. Je dis, il me semble que pour un groupe comme Galaxy, c'est un peu plate de jouer si tôt dans une soirée. Mais ils savaient que ce serait le hip-hop et les trucs plus pour les jeunes dans le vent. Qui allait pogner. Fait. Mais moi ce que je trouve intéressant de Galaxy, c'est que c'est le seul groupe, je trouve, dans la sélection qui fait vraiment le son de C'est Fou. T'sais. T'as mm-hmm. pas le choix d'avoir un groupe comme ça qui sonne vraiment C'est Fou, parce que sinon, du loco-locas, on en joue un peu. On joue pas vraiment des pop tant que ça, C'est Fou. On sait que ça attire des foules, donc c'est pour ça que ça a été sélectionné pour le spectacle. Mais je trouve que d'avoir un groupe comme Galaxy qui est le indie rock marque de commerce de C'est Fou. Je trouve ça cool. C'est dommage qu'il soit au début du show. J'imagine que c'est parce qu'il savait que ça attirait pas des millions de gens. Mais ça, dans l'indie rock, il n'y a pas vraiment de groupe qui va attirer des millions de gens. Là, effectivement, mais en tout cas, je regardais la foule et les gens avaient l'air de bien s'amuser cette partie-là. Ouais. Là, je suis juste me rafraîchir la mémoire. J'essaie de me rappeler. Donc, ensuite, c'était Corias. Avec ses invités, il y avait Mr. Valère. Karim Ouellette. Et Lonely Regis. OK. Merci, c'était... Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi il m'en manquait deux. Il y a aussi un DJ qui est pas tout le temps là, mais je me souviens pas du nom du DJ. Tu parles pas de Toast Dog? Oui, voilà. OK. Toast Dog. Merci, Mathieu. Oui. Et j'aime beaucoup la façon dont tu le dis, Toast Dog. Merci. Dad. Ouais, ça met du style un peu. Oui. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est le moment où j'ai été prendre une bière à la chaise Edry. Donc, j'ai manqué toute cette partie-là du spectacle. Est-ce que tu étais là, toi? Oui, je suis restée là. Moi, comme je disais, je connaissais déjà Loud Larry Adjust. J'avais jamais vu Mr. Valère en show. En passant, mention spéciale aux cuivres qui sont restés là de A à Z sur le stage. Les cuivres de Mr. Valère qui ont couvert vraiment toute la durée du show, là. On voyait à la fin du show, les gars, ils étaient là. Je pense qu'ils avaient mal aux babines un peu là, à force de souffler dans leur trompette puis dans leur saxophone. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance que ça a amené. Tout le monde connaissait comme toutes les tunes. Du moment que Karim Ouellet est arrivé sur stage, délire total dans la foule. Les gens avaient vraiment l'air d'apprécier. Et c'était la première fois que je voyais Karim Ouellet dans un show comme ça. Tu le disais, on joue pas beaucoup d'hip-hop, on joue plus de rock ici. Karim Ouellet, déjà, c'est un gars qu'on entend à la radio quand même assez souvent. Il a commencé ici avant parce qu'on jouait du Karim Ouellet bien avant les autres. Mais tu sais, de le voir prendre part dans un show quand même assez rap, quand même assez hip-hop, je suis restée agréablement surprise de la performance et de l'énergie de Karim Ouellet sur un stage comme ça. Ouais. C'est bien. C'est au moins une personne sur trois qui a vu cette partie-là du spectacle. Oui. Hey, j'ai pris des photos, des vidéos. Oui, j'imagine que tu es vraiment fanatique un peu hier. Tu es sur chaque photo? Non. Mais non, mais j'ai envoyé des vidéos parce que j'ai une amie qui aime beaucoup Loud Larry Just aussi, mais elle était pas là, elle était à Montréal. Fait que j'ai envoyé plein de vidéos. Tu l'as snapchatté. Ah, t'étais pas là. Le mieux caté, c'est ton Periscope. Ouais, et voilà. Tu l'as snapchatté, c'est ton splash face. Bon, ouais, bref, tu l'as enragé plus que d'autres choses. Mais t'es là, j'aurais donc dû aimer ça, j'aurais dû être là, puis. Mais déjà, j'aurais donc dû si ma grand-mère avait des roues. Un autobus. Voilà. Wow! Matt dans ses jokes le matin. Ça va pas bien. C'est ça. Ouais. c'est pas grave. Je suis habitué. Mais encore une fois, je suis restée surprise aussi de comment le monde avait l'air de pas beaucoup plus, mais d'apprécier sensiblement, peut-être légèrement un peu plus, la première partie du spectacle. T'as vraiment comme modifié ta phrase plusieurs fois. Mais tu sais, j'essaie d'y aller de pas trop façon brutale, mettons, envers le colocasse. Parce que mon humble opinion est que je suis pas très loco-locasse dans la vie, mais il y en a beaucoup qui sont partis après la première partie, justement. Parce qu'il y avait une pause entre les deux. Oui, il y avait quand même une bonne pause. Zwicky a rempli le temps, par contre. Alexandre Aramis Zwicky, notre collègue du campus. C'était excellent. Il était en feu. L'animation qui a été faite hier soir était parfaite. Il a twerké sa scène. Ben oui, c'est de l'animation de foule de haut niveau. Oui, tout à fait. Là. Alexandre Aramis Zwicky, engagez-le. Honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher de rire tellement qu'il disait des niaiseries, qu'il faisait participer la foule, c'était de toute beauté. Et ce que j'ai aimé du spectacle, qui était vraiment cool, grâce à nos partenaires financiers chez Vidéotron Mobile, on avait un écran géant avec une caméra qui suivait les mouvements, donc on pouvait voir le fessier d'Alexandre Aramis Wiki se twerker. Pendant qu'il twerkait, ouais. C'était en gros plan sur l'écran géant, c'était de toute beauté. Donc, mais c'est belle animation de foule, tout à fait. Félicitations, Alex. Exactement. Pour le colocasse, donc eux qui ont commencé dans les alentours de 11h, 10h30, 11h? 10h15, 10h30. Moi, 10h15, je suis parti 11h. Mais ils ont eu quelques problèmes techniques. En fait, c'est que la première partie, comme ils le disaient, ont tellement... Scrapper micro, qu'ils disaient. Dans d'autres mots, ils ont dit qu'ils avaient fait sauter une coupe d'affaires. Ben, Galaxy, ça a torche, puis Corias, probablement aussi. C'est ça, mais le son est tellement différent. En plus, tu sais, Galaxy, tu le disais, c'est rock. Loud Larry Adjust, c'est beaucoup de boom-boom. Ben oui. Donc, tu sais, quand t'arrives à le colocasse, mettons que c'est pas le même calibre de son. Effectivement. J'aurais pas aimé être le gars à la console qui devait calibrer pour chaque groupe. Non. C'était très félicitations différent. Félicitations au gars de l'Odyssée aussi, là, qui s'occupait de tout ce qui était sonorisation. J'ai jamais vu des haut-parleurs et ce genre de technique se faire changer sur une scène aussi rapidement. C'était bien. Mais c'est ça, ce que ça a causé, les problèmes techniques, c'est que tout le long du spectacle de Le Colocasse, il fallait tout le temps qu'ils disent « Peux-tu monter tel micro? » Ouais, c'est ça. Tel haut-parleur, ça devient... Même t'es pas supposé voir tunes. Ça. T'es pas supposé voir ça en tant que public. T'sais, ça, c'est dommage, mais c'est pas la faute de l'Odyssée, c'est pas la faute de Le Colocasse. Ben, pourtant, dans les spectacles, je vois ça énormément parce que toutes les missions des codes... Avec les techs de son, c'est juste qu'il y en a qui sont plus subtils que d'autres. C'est ça, exactement, mais ça paraît moins. Mais ils ont tout un son. Si tu fais ça avec le pouce, ça veut dire que dans leur moniteur, tu joues avec le son, mettons, du chanteur. Si tu le fais avec mettons, deux doigts de même, ça veut dire le guitariste. Puis ils ont tous des codes. C'est pareil comme au baseball. À peu près. Mais d'après moi, il y avait tellement de monde hier. Puis la régie de Sono était pas très, très élevée. Fait que d'après moi, les gars de Sono, ils voyaient même pas les gars de Loco Locas. Ah, c'est très bien, ça. Donc, c'est, d'après moi, c'est pour ça que les gars de Loco-Locasse étaient comme « Ouais, Max, lève la sang! » Parce que c'est vraiment de même, hein, pendant la toune. Ouais, « Hey, Max, lève la sang! » Puis personne n'a rien mangé, finalement. Hier soir, moi, j'ai rien mangé, finalement. Ah non, il y avait le boc traiteur qui était là, mais malheureusement, j'avais déjà soupé. Ah, il y avait ça? Oui. Mais oui. Un food truck. Ben coudonc, j'ai manqué ça. La poutine au pulled pork du boc traiteur. Oh, ça a dû être populaire, c'est auprès de bien du monde. Populaire. Oh. Non, mais qu'est-ce qui est drôle pour le colocasse, c'est que je suis parti au moment où ils ont dit « Levez le bras gauche dans les airs et à gauche écraser la droite ». Et moi aussi. Mais je suis restée pour la toune des Canadiens. Okay. En fait, j'ai croisé plusieurs personnes après le show à la Chasse-Galerie parce que j'ai été faire un tour, moi aussi, rejoindre des amis. Ah, puis bon. Ils disaient, ben moi, je suis allée voir le colocasse pour la toune du Canadien, puis après, je suis partie. Ouais. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Elle a dormi 4 heures cette nuit. Ouais. Elle allume le matin, oui, puis elle veille. Je le sais. Ouais, j'ai. C'est bon. Moi, j'étais contente, j'ai réussi, moi, à dormir un petit 6 heures. Mais c'est pour ça que la caféine existe. Je suis là ce matin, puis tout est beau. Cette émission est commanditée par la caféine. Ouais, c'est ça. Voilà, on devrait faire ça. mais je suis contente parce que c'était un très bon show, puis ça a été une très belle soirée. Puis on en parlait hier avec Sébastien F. Guertin, mm-hmm. qui nous parlait de l'image de l'université. Je pense que ça met l'université sur une bonne map après un show de même. Et c'est fou. Pour vrai, c'est fou aussi. Ça aide, c'est fou, par la bande, parce que notre logo était partout. Mon Dieu, il était projeté sur le mur de l'université. Oui. C'était... un bon investissement, ça. Oui, tout à fait. S'il y a des enseignants qui travaillaient dans leur bureau ce soir-là, ils ont peut-être pas trouvé ça drôle. Il y avait un seul enfant. Ouais, c'est ça. 89. Hey, c'est fou pour vrai. Oh! Mais j'aime ça. Vraiment, la scène extérieure, depuis l'année passée, j'aime vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'université pour ça. Mm-hmm. La Chasse-Galerie est pleine, le 10-12 est plein, plus tard le soir. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui a entendu le spectacle qu'il y avait à Chasse-Galerie à partir de 11h? Oui, lendemain de veille, c'est ça le nom du band. Okay. Je suis arrivée, puis ils jouaient, en fait, j'ai pas entendu toute leur show, ils jouaient déjà, mais ça sonne bien, mon Dieu, les gars étaient dedans en plus, puis le monde qui était dans Chasse-Galerie avait l'air de triper leur vie. Tant mieux, parce que ça, je suis parti avant qu'ils commencent. Ouais, non, c'est un peu plus rock, ils faisaient des covers aussi de pas mal de tunes. Est-ce que c'est eux qui ont fait un cover de Manajub? J'ai entendu pratiquer un band, je pense, à Chasse-Galerie hier. Que oui. Je crois qu'il y avait une pièce de Malajub. C'est cool, quand même. Ouais. C'est bien, oui. Ouais, je ne suis pas un grand fan de Malajub, mais c'est bien. C'est des gars qui s'habillent en bûcheron là, avec des chemises en carreau. Okay. Ah, okay. Mais ils ont quand même joué pas mal de tunes différents, donc ça rejoignait un public cible très diversifié. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de place pour marcher dans la Chasse-Galerie. Ah, c'était terrible, mon Dieu. Tu pouvais sérieusement pas te rendre quelque part hier dans la Chasse-Galerie, tellement il y avait de monde. D'après moi, on a bondé la capacité. Je suis surprise qu'on ait rentré. Ils ont sûrement dépassé les capacités. Oui, c'est sûr. Puis au moment que le 10-12 est rentré, ben là, les gens sont décidés d'aller voir le DJ qui était au 10-12. Ouais. Ça a donné un petit peu d'air pour pouvoir respirer à la chasse. D'air en pestant, d'odeur, de bière. Ah, mais c'était pas si pire ce matin. Ce matin, hein? Ça allait. Beaucoup moins pire que quand je lisais mes articles à la Chasse-Galerie, je trouvais encore le comptoir un peu collant, mais ça va être corrigé au cours de la journée, j'en suis certain. Peut-être ça a été fait vite à 3h du matin, ouais, avec beaucoup d'employés de la Chasse-Galerie qui devaient avoir hâte d'aller se coucher. Là. Ouais. Et même l'after show au 10-12, c'était bien. Ah, parce que tu étais là aussi. Ben, j'ai passé par le 10-12, en fait, quelques instants pour aller saluer quelques personnes. Puis il y avait le DJ qui était là. Malheureusement, le nom m'échappe parce que je suis pas arrivée puis il s'est nommé. Là, sauf que c'était bon, c'était... Encore une fois, félicitations à toute l'organisation du show de la rentrée parce que, comme le disait Marianne cette semaine dans notre émission, c'est quasiment un festival en soi juste pour une soirée pour ce qui est du show de la rentrée. Alors, sérieusement, je pense que les attentes ont probablement été atteintes pour tout ce qui s'était demandé. Ben, ça fait 2 années que quand les groupes sont annoncés, les gens se garochent parce qu'il y a tout le temps l'événement Facebook qui est créé. Là, je vois tout le monde partager ça et tout le monde trouve un des groupes qui va justifier sa présence. Oui, tout à fait. Il y a tout le temps quelque chose qui vient attirer quelqu'un puis ça fait en sorte que, justement, on a une foule assez gigantesque la soirée du spectacle. Et on est chanceux, ça fait 2 années qu'il fait beau. Ah, c'est vrai, il a mouillé dans l'après-midi, je crois. Ça aurait pu être milieu de journée. On craignait aussi pour le baseball. Ah, mais oui, moins. C'est vrai. Je suis sûr que c'était loin dans tes priorités. C'est pas mal loin. Mais c'était proche dans ses priorités parce qu'il se demandait s'il allait travailler ou non. Oui, ou savoir s'il allait faire 2 matchs de suite le lendemain. Ça aurait été plaisant. Hein? Ouais. Mais là, ça veut dire qu'on remet ça ce soir, Matt. Il y a une game ce soir, c'est oui, ça? Oui, 18h50 ce soir. On est quoi, jeudi? Donc, ça bump. J'ai annoncé Radio Sonic tantôt, ça bump. Oui, mais ça, j'allais dire. D'abord, j'annoncerai pas Radio Sonic, je vais annoncer le baseball à la place. Annonce absolument rien à part Palmarès du Monde. Mais oui, baseball ce soir, et puis ça continue vendredi, samedi et dimanche, si nécessaire. Samedi et dimanche, ils ne vont pas nécessairement être joués parce que c'est un 3-5 pour la demi-finale des éliminatoires. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est dimanche, ça va être l'après-midi. Je crois que oui. Et c'est à l'extérieur. Mercredi, jeudi à Trois-Rivières, vendredi, samedi, dimanche à l'extérieur. C'était à Rockland, dans le stade de New York. Okay. Est-ce qu'ils sont diffusés les matchs à l'extérieur pour cette série? OK. Oui, non, c'est spécial. Je voulais savoir si finalement j'animais dimanche soir ou non. Ça a l'air que oui. Si le match est en après-midi, d'après moi, oui. Le problème, c'est ça, c'est qu'on voulait pas. En fait, j'imagine l'organisation des Aigles plus que moi. On voulait pas diffuser le début de la série, puis finalement, qu'ils s'en aillent à Rockland pour la terminer, puis qu'on n'ait pas le résultat diffusé sur nos ondes, ce serait plate un peu. Ah, c'est vrai que ce serait plate. Hein. Ouais. Il manquerait un petit quelque chose pour les vrais fans des Aigles de Trois-Rivières. Pas de fin, tu sais. Pas de fin à ouais, ça. Ouais, c'est ça. Ça arrête. On sait pas comment ça finit. On a joué 75 matchs, mais le reste, allez voir sur Internet. Sur les internets. Mais merci beaucoup de votre présence. Merci pour l'invitation. Merci de l'invitation. Ben oui, une belle petite discussion comme ça. Alors, on fait une courte pause et au retour, ben là, je vais parler des vrais sujets d'actualité hein? qui vont vraiment vous amuser. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca.